Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc on continue. Donc toujours avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la solidarité, l'entraide, l'amour et la miséricorde des musulmans les uns envers les autres. Wa qad akhraja al-imam Tabarani rahimahullah ta'ala an Salman radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة والحديث صحيح. Donc déjà ici, par rapport à ce hadith authentique où Salman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, donc les gens du bien dans la vie d'ici-bas sont les gens du bien dans l'au-delà. Et les gens du mal dans la vie d'ici-bas sont les gens du mal dans l'au-delà. Donc on a bien vu que la récompense est selon le type d'œuvre. La récompense sera selon le type d'œuvre. Donc déjà, les gens du bien, donc, seront eux qui seront récompensés dans justement cet au-delà. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, il est aussi authentique. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. Donc il montre toujours aussi, sallallahu alayhi wa sallam, et insiste vis-à-vis des meilleurs d'entre vous. Plusieurs fois on a vu ça. Plusieurs fois on a vu le khair, ou bien celui qui a le meilleur comportement. Il a khairihi. Donc il y a toujours un superlatif ici. Le fait en vérité d'inciter les gens à faire le plus de bien possible. Donc les meilleurs compagnons auprès d'Allah sont les meilleurs compagnons envers leurs compagnons, c'est-à-dire le meilleur envers leurs amis. Et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont les meilleurs envers leurs voisins. Envers leurs voisins. Et on a dit auparavant que donc les voisins ne s'arrêtent pas qu'aux musulmans. C'est les musulmans et les non-musulmans. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum qala fasakatu fa qala dhalika thalath marrat fa qala rajul bala ya rasulullah akhbirna bi khairina min sharrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'man sharruhu wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu man la yurja yani khairuhu wa la yu'manu sharruhu wal hadith kadhalika sahih wa huwa fi tirmidhi. Donc ici aussi, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est arrêté. Parce que j'ai pas lu le début du hadith. Inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waqafa ala unasin julus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté où il y a des gens qui étaient assis. Et il a dit, n'est-ce pas que je vais vous annoncer au sujet des meilleurs d'entre vous par rapport aux pires d'entre vous. Donc il dit, et ils se sont tus, les gens, donc ceux qui étaient assis se sont tus. Et donc il réitéra cela trois fois. Et un homme d'entre eux a dit aussi, ô envoyé d'Allah, annonce-nous donc, qui sont les meilleurs d'entre nous vis-à-vis des pires d'entre nous. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui dont on espère son bien et dont on se protège de son mal. Et le pire d'entre vous, c'est celui dont on n'espère pas le bien émanant de sa part, et on ne se protège pas de son mal. Donc on ne va pas être saint en réalité de son mal. Donc toujours vis-à-vis, donc on voit que au début, donc les hadiths qu'on a vus auparavant, ils ont bien mentionné que les meilleurs, même dans ce hadith, et que donc les gens qui sont les plus préférés auprès d'Allah, les meilleurs, ceux qui ont le meilleur, donc ceux qui ont la foi la plus grande, ce sont toujours vis-à-vis des comportements. Toujours, on a vu que le comportement avait attrait justement, donc c'est toujours en relation avec le comportement, que ce soit dans la vie d'ici-là ou bien dans l'au-delà. C'est-à-dire vis-à-vis des récompenses. Et ici aussi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui montre bien, donc le pire d'entre vous, en vérité, c'est celui donc, dont on ne sera pas protégé, donc en vérité, de son mal. Et on ne voit pas, donc émanant de sa part, du bien. Et que ذلك, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte. Donc, dans un hadith qui est authentique, où Abu Umama rapporte et dit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dawwu mardakum bis sadaqa. Donc guérissez vos malades par l'aumône. Par l'aumône. Encore une fois, donc un comportement du musulman envers son frère. Guérissez vos malades par l'aumône. Donc l'aumône guérit donc les malades. Guérissez vos malades par l'aumône. Donc ça peut très bien être général, tu peux très bien faire une aumône et ça sera général, ou bien ça peut très bien être spécifié selon en vérité l'intention que tu vas avoir, selon en réalité l'intention que tu vas avoir. Et aussi, il rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un livre intitulé Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi, où Abu Sa'id, donc al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, rapporte Sadaqatu sirr, tout fi ghadab Allah, ou tout fi ghadab al-Rab, wa sillatu rahim, tazidu fi l'umr, wa fi'l al-ma'ruf, yaqis masari' al-su, yaqi masari' al-su. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône en secret éteint, ou bien apaise, la colère d'Allah, éteint la colère du Seigneur, la colère du Seigneur. Et les liens de parenté, donc les liens sanguins, le fait de tisser les liens sanguins, augmente l'âge. Et faire du bien, donc c'est général, c'est vaste, et nous protège, et en vérité donc protège contre le mauvais destin, les mauvaises choses. Protège contre les mauvaises choses. Naam, car en réalité, le destin, donc Allah Azza wa Jal peut le changer. Donc bien sûr, c'est pas ce qui est auprès d'Allah, dans les tables sacrées, ne change pas. Ils sont immuables. Mais ce que l'ange insuffle dans le ventre de chacun d'entre nous, hein, dans le ventre de chacun d'entre nos mères, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, les quatre kalimas, les quatre paroles, elles peuvent être changeables. Donc on voit par rapport au risque, ainsi que l'ajal, donc le temps qui va durer. Donc ça, c'est réel. C'est-à-dire que l'augmentation, elle est réelle. Et comme le dit le même Cheikh Qatir, rahmatullah, donc il dit pour chaque 90, donc 10 en plus. Donc c'est-à-dire c'est comme si tu arrivais à 100. Donc c'est pour que tu comprennes que c'est réel. Si en réalité l'ange serait venu insuffler que tu vas vivre 72 ans, et le fait que tu vas donc tisser les liens de parenté comme il le faut, Allah Azza, tu peux te le rajouter. Donc il va te rajouter à un temps déterminé, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour le rizq. Et la même chose aussi pour les bonnes actions, qui repoussent donc ceux qui seraient mauvais, qui pourraient te toucher. Ceux qui pourraient en réalité donc te toucher. Kazalika, qala l'imam Ahmed, ou akhraja l'imam Ahmed, rahmahu Allah ta'ala, عن أمنا أو أمنا عفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظة من رفق أو من رفقي فقد أعطي حظه من الخير من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحيم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدنيا عفوا يعمران الديار ويزيدان في الأعمار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Donc ici aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a reçu sa part donc de douceur a donc reçu sa part de bien, a reçu sa part de bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc on voit qu'on a besoin de douceur pour pouvoir en vérité œuvrer comme il le faut. Si on n'a pas cette douceur, ça, on ne va pas en vérité aller loin. Et les liens de parenté, ainsi que le bon comportement et le bon voisinage, donc, remplissent les maisons et aussi donc ils augmentent dans l'œuvre. Ils augmentent dans l'œuvre. Donc ils vont augmenter en réalité dans l'œuvre. Donc il y a Amouran, le Khair. Donc il y aura des biens dans ces maisons-là. C'est pas des portes fermées où les gens, hein, jamais personne n'est jamais rentré chez un exemple. Parce que lui, il veut jamais faire du bien aux gens. Et là, Khairi. Donc ça, non seulement ça remplit les biens, mais dans tout type de biens. Ne serait-ce qu'aussi donc, qui entre et qui sort. Ils augmentent dans les âges. Donc il y aura une augmentation dans les âges. Il y a un hadith rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, Al-Mu'minu, l'il-Mu'mini, kal-Bunyani, yashuddu ba'du ba'da, wa shabaka bayna asabi'i. Donc il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis donc, de la relation du musulman envers son frère, le croyant pour le croyant, sont comme donc une demeure, une construction, voire plusieurs pierres, donc en vérité, qui s'entraident ou qui sont tissées, liées les uns envers les autres. Et bien sûr, donc il a croisé ici entre ses doigts, afin de montrer que les gens, donc la relation, elle est forte. La relation, elle est très forte. Kedalika, aussi toujours par rapport à cela, où Abu Daoud rapporte dans un hadith qui est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'minu mir'atul mu'mini, wal-mu'minu akhul mu'mini, yakuffu alayhi dayratahu, wa yahottuhu min wara'ihi. Donc le musulman est le miroir du croyant. Donc le croyant est le miroir du croyant. Et le croyant est le frère du croyant. Donc il va aussi, donc en vérité, il va le protéger. En réalité, donc ici, il va le protéger. Il va non seulement l'interdire, donc il va l'empêcher de faire du mal, et aussi il va le protéger de par derrière. Donc par le fait de ne pas médire sur lui, par le fait de le protéger réellement aussi. Et toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Wa khairu an-nas anfa'uhum lin-nas. Wa al-hadith yani sahih wa akhrajahu ad-Darqutni rahimahullah min hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Et aussi dans un hadith, donc les hadiths qu'on a vus depuis le début sont tous authentiques. Donc ici Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman donc tisse des liens et les gens tissent des liens avec lui. Et il n'y a pas de bien pour celui qui ne tisse pas des liens et que les gens ne tissent pas des liens avec lui. Et la meilleure des personnes est celui qui est le plus profitable envers les gens. Que ce soit par l'enseignement d'une science, que ce soit par une entraide pécuniaire, hein, par des biens ou autre. Par aussi le fait de donner par exemple de sa sueur de son temps et de sa sueur pour lui. Et aussi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte aux hadiths rapportés par Tirmidhi ou Abu Huraira, le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu. ولا يكذبه ولا يخذله وكل مسلم على مسلم حرام عرضه وماله ودمه والتقوى ها هنا يعني بحسب امر من الشيران يحتقر يعني اخاه المسلم ممكن ان يحتقر اخاه المسلم. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien que le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, il ne le ment pas. Hein? Donc aussi, il ne l'avilit pas, donc il ne va pas en vérité aussi donc toujours être traître envers son frère. Et chaque musulman est quoi? Est sacré envers le musulman. Donc sacré. Quand est-ce qu'on est en état de sacralisation? Si ce n'est pas en prière, si ce n'est pas par exemple au Hajj. Au Hajj, on se permet, on dit: oh, je ne suis pas en état de sacralisation, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. En prière, la même chose. Tu ne vas pas commencer à parler, à sortir et à faire alors que tu es en prière. Eh bien, le musulman, considère-toi en prière ou en état de sacralisation lorsque tu es en face de ton frère. Donc retiens-toi vis-à-vis de son honneur, vis-à-vis de ses biens et vis-à-vis de son sang. Retiens-toi de la même façon que comme si tu étais en vérité dans une adoration. Et la crainte est ici, hauna. La crainte est bien sûr, elle émane du cœur. Elle asle, l'origine de la crainte, donc elle émane parce que c'est un acte du cœur, la crainte, et dans le cœur. Donc il y a. Donc cela est suffisant pour considérer une personne comme mal si elle déteste son frère. Si elle déteste en réalité son frère. Tu ne peux pas détester une personne sans raison. Si tu détestes un musulman sans raison, donc tu es en vérité une personne de chat. Parce que tu as détesté quelqu'un qui adore Allah comme il le faut sans raison. Détester, c'est l'Illah Azzawajal. Tu peux détester que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne vas pas détester pour autre chose. Pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, car tu détestes pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas pour autre chose. Donc tu deviens en vérité une mauvaise personne, car tu détestes ton frère. Donc on voit en vérité comment, hein, je veux dire l'honneur, donc le frère de façon générale, le musulman, comment en vérité il est sacré vis-à-vis de son frère. Et toutes les portes en vérité sont fermées pour que les musulmans ne se divisent pas, pour que le musulman ne se divise pas. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل والصائم النهار. Donc celui qui va en vérité s'empresser à aider donc la veuve ainsi que le pauvre est comparable à celui qui est donc mujahid fi sabilillah, donc combattant dans le sentier d'Allah, ou celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Donc on voit que ça c'est des œuvres surérogatoires qui en vérité augmentent réellement la foi du croyant, car en vérité il n'a pas peur de donner son sang ou son bien, parce qu'il est mujahid fi sabilillah. Il n'a pas peur de se lever la nuit, et il jeûne la journée, il se retient des shahawat de la journée pour jeûner. Donc on voit que ça c'est des grandes actions, c'est des actions qui sont importantes. Alors que celui qui va tout simplement aider, entraider une veuve, entraider un pauvre, voilà comment Allah Azza wa Jalla le récompense. Comme s'il était comme ces catégories de personnes. Et on a vu aussi donc un hadith qui ressemble auparavant. Et là, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. « Mus'ab ibn Sa'd qal, ra'a Sa'dan, anna lahu fadlan ala man dunahu. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hal tusaruna wa turzakun illa bidu'afa'ikum. » Donc ils ont vu que Sa'd radiallahu ta'ala anhu avait donc il avait une suprématie, il était meilleur que d'autres que lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré pourquoi il était meilleur. Qu'est-ce qu'il a Sa'd pour être meilleur? Il dit, n'est-ce pas que donc vous allez recevoir la victoire, vous serez victorieux et vous allez recevoir la subsistance que par vos pauvres. Que par vos pauvres. Donc ou lui il est pauvre de par lui-même, ou bien c'est parce qu'il aide énormément les pauvres. C'est parce qu'il est proche des pauvres. Hein, donc il est proche des pauvres. Alors ou bien c'est lui, Allahu a'lam, par rapport à l'histoire du hadith, est-ce que c'est lui qui serait réellement pauvre, ce qui serait possible aussi, ou bien est-ce qu'il aiderait à aider les pauvres, l'un ou l'autre. Donc si c'est le premier cas, on sait qu'un pauvre et qui est pieux, il est donc de sa part, donc par son billet, on va recevoir notre subsistance, ainsi que le fait d'être victorieux, ou bien il aide les pauvres, hein, donc il est proche des pauvres, parce que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande justement d'être proche des pauvres. Car les pauvres, justement, par rapport à leur doigt, par rapport à leur sincérité, donc leur invocation, par rapport aussi à leur sincérité, et aussi par rapport à leur prière, on reçoit justement cette subsistance. Donc ici, le hadith, justement, il est après. Hein, donc le hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i, rahmatullah alayhi, donc il dit bien an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala innama yansurullahu hadhihi al-umma bida'ifiha bida'watihi wa salatihim wa ikhlasihim. Donc certes Allah donne la victoire à cette communauté de par ses pauvres, par le biais de leurs pauvres, par leur invocation, par leur prière et par leur sincérité, parce qu'on sait bien que les pauvres ils ont que ça, ils n'ont pas grand chose, ils ne sont pas occupés à la vie d'ici-bas. Donc la sincérité, elle est plus facile à accepter, à venir. Parce que souvent, ils n'ont pas des intérêts de la vie d'ici-bas. On ne sait pas pourquoi certaines personnes font certains actes. Et surtout, ceux le font en public. Des fois, ils ont des commerces, ils vont le faire justement là, dans la mosquée en public, en espérant que il y aura, donc, les gens deviendront clients. Allah alam. Donc c'est ou l'un ou pas. Ça se peut qu'il est sincère, comme ça se peut que c'est ça. Donc lui, il a besoin d'efforts pour que ce ne soit pas l'autre cas. Tandis que celui qui n'a rien ne cherche pas, parce que lui en général, les gens ne viennent pas à lui. Vous voyez un petit peu la difficulté de la richesse de façon générale. La difficulté en vérité d'être riche, hein, parce qu'à ce moment-là, ça demande de protéger. La protection de la sincérité, elle doit être plus complète. Elle doit être donc plus poussée. Et aussi ici, donc, fil Hashia, hein, donc dans le Sunan al-Nasa'i, donc l'imam Siddi, rahmallah, il dit ici, lil fuqara 'inda Allah min ash-sharafi ma laysa lil aghniya. Donc il y a chez les pauvres auprès d'Allah donc une notabilité, un honneur que l'on ne retrouve pas chez les riches. Il y aura quelque chose donc chez les pauvres qui ne sera pas chez les riches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والفقراء هناك يعني والمراد بهم يعني فقراء المسلمين من الموحدين اهل الصلاح والتقوى والديانه والاتباع والله اعلم. Donc les fuqara des musulmans parmi ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, donc les gens qui arrangent, donc les gens de la crainte ainsi que les gens de la religion et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, والله اعلم. Donc après, donc ici, donc Shir, il mentionne et il incite les gens, il pousse les gens justement à ne pas être avares. Donc on a vu tout à l'heure avec Rabez déjà un petit peu par rapport à l'avarice. Hein. Donc ne sois pas avare, ni par ta personnalité. Il est possible que tu sois quelqu'un de connu et que ta place, elle peut des fois peut-être servir, ni par tes biens. Donc de façon générale, donc ne sois pas comme ça, ne sois pas quelqu'un qui est avare, ou bien qui est donc radin avare, c'est-à-dire qu'il recherche que en vérité les biens pour lui, et en plus voire même qu'il profiterait peut-être sur les gens. Il a mais soit plutôt le contraire, soit plutôt donc simple, soit plutôt doux, soit plutôt facile, soit plutôt celui qui donc tisse les liens et dont les gens aussi aiment les liens, aiment tisser justement les liens avec cela. N'oublie pas que ce que tu détiens appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu détiens, ton bien appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ton bien réellement c'est le tien? Maintenant, tu dis oui, ben alors prends 5 euros, brûle-les. Tu vas me dire c'est haram. Donc ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il te l'a rendu interdit. Donc c'est tes biens, mais tu es restreint. Tu es restreint dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ton bien. Tu ne peux pas le dépenser comme tu le veux. Ça là là. Est-ce que tu peux le dépenser en achetant de l'alcool? Tu vas me dire non. Pourquoi? Parce qu'Allah te l'a interdit. Donc le mukl kamil, il revient à Allah azzawajal. La royauté complète de cet argent, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, en vérité, tu vas les utiliser en tant qu'instrument pour justement obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'oublie pas cela. N'oublie pas en réalité que ce bien-là, c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah qui te l'a octroyé. Donc c'est pour ça qu'Allah dit wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Et dépensez dans le sentier d'Allah, et en vérité, donc ne partez pas, c'est-à-dire de par vous-même, en perdition. C'est-à-dire ne vous donnez pas à la perdition. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khulla, wa la shafa'atun wal kafirun hum adh-dhalimun. Oh, ceux qui ont cru, donc donnez de ce que nous avons, de ce dont nous vous avons octroyé avant qu'il vienne un jour où ni négoce, donc ni commerce, et ni aussi donc amis intimes, et ni intercession ne seront profitables. Et certes, les injustes, donc les mécréants, sont eux les injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et nous insiste en vérité donc à faire du bien. Car en réalité, parmi les meilleures façons de faire du bien les uns envers les autres, c'est justement par rapport au sadaqa de façon générale, que ce soit le fait de donner à manger, le fait d'aider pour celui qui est dans la gêne, il a de justement de payer, on n'a pas oublié donc l'orphelin, la veuve, les pauvres, aussi ceux qui ont des dettes et autres, tout ces catégories de personnes. Aussi, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Croyez en Allah, hein, et donnez de ce que nous avons fait de vous un successeur, ou bien hein, donc on avait été un responsable, donc un successeur de ces biens-là. Et ceux qui ont cru parmi vous et ont donné auront une énorme récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'abord de croire en Allah. Parce que c'est cette croyance qui fait que tu donnes facilement. C'est la bonne croyance en Allah Azzawajal qui va faire en vérité de toi quelqu'un en généralité donc de généreux. Donc il y a encore donc plusieurs versets qui parlent de cela, qui parlent donc de cela. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on a terminé vis-à-vis donc de ce petit livre qui parle donc. C'est min hadi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fi ta'awuni wa tarahumi bain al-Muslimin. Donc parmi les guidés hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de s'entraider et de se faire miséricorde. Donc le fait d'être de. C'est-à-dire vis-à-vis de l'entraide et de la miséricorde envers les musulmans. Donc les frères vont pas tarder à venir, donc on va attendre Inch'Allah tranquillement. Donc la venue des frères, barakallahu fikum, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.